Oh là là, on est sur le dénouement d'Antigone, là, en français, je pige rien. Ok, hyper simple. En gros, elle, elle se fait enterrer vivante. Du coup, son frère... Non, pardon, lui, il est déjà mort. Son fiancé s'enterre avec elle, et du coup, la mère de son fiancé se tue, parce qu'elle peut pas supporter la mort de son fils, tu vois. Fils de qui? Un bon pote, c'est bien. Un bon prof, c'est mieux. Pour progresser pendant les vacances, Academia propose des stages intensifs, en centre ou en ligne. Renseignez-vous auprès de votre centre Academia ou sur academia.fr. Academia. Ils ont tout pour réussir. Que se passe-t-il dans la tête du bébé à la seconde où il entre au monde? Que se passe-t-il dans la tête du parent à la seconde où il tient son bébé entre les mains? La naissance est-elle une rupture ou un commencement absolu? Pourquoi ces questions sont-elles si peu soulevées dans l'histoire de la philosophie? Philosophie du bébé ce matin en compagnie du philosophe Vincent Delecroix qui dans son livre « Leur enfance » raconte la première rencontre avec ses enfants. Spoiler, ça ne s'est pas passé comme ça. À peine avait-il glissé sa tête hors de votre oreille qu'au lieu de pousser le cri habituel au nouveau-né et de se mettre à chialer pour manifester son contentement d'arriver parmi nous, notre gargantua se hâte de clamer « à boire, à boire ». Moi, sur le moment, j'ai cru qu'il demandait du lait. Oh, pensez-vous, ma reine, c'est du vin qu'il voulait, pour lui et pour les autres. Et je vous assure qu'il eut son compte. Est-ce qu'il aime le lait aussi? S'il l'aime! En une semaine, il a mis à sec 7 nourrices gaillardes au sein gonflé comme ces gros fruits qu'on nous envoie d'Italie. Ah, des melons. C'est ça. Aussi, aucune nourrice ne voulant plus lui prêter son sein, j'ai ordonné qu'on lui donne pour tétée notre meilleure vache des tiennes. La roussette? Oui. Et alors? Il s'est jeté sur l'épi de la bête et l'a vidé de son lait. Merveilleux. Mais par malheur, comme il avait encore faim, il a aussi mangé un morceau de la cuisse. c'est bon si également. Non, mais il ne faut pas le laisser faire, hein. Eh oui, il y a des beaux bébés à droite, des beaux bébés à gauche, comme le chante Jean Bleu Jean. Alors, tout le monde n'est pas né comme Gargantua dans l'oreille de sa mère. À titre d'exemple, le début du livre de mon invité Vincent Delecroix raconte cette rencontre entre lui-même et ses enfants. Vincent Delecroix qui se dirige vers le studio. Je vous propose en attendant de découvrir les premières lignes de son livre. Au commencement, ils ont quelques heures. On m'autorise, en vérité on m'enjoint, à prendre tour à tour dans mes bras ces quelques kilos à peine de vie humaine. Ce geste est irréversible, à mi-chemin entre les impératifs de l'affection, les nécessités obscures de la survie aveugle et le symbolique, voire le juridique de la reconnaissance. La responsabilité à l'égard de cette vie qui n'est pas la mienne est désormais entrée dans mes os, et en modifie la densité, le poids, les dimensions. Mon propre corps change, le corps ancien craque, qui n'est pas fait pour cette nouveauté, et c'est sans retour. Leur enfance commence, et, me suis-je dit, la mienne vient de se terminer pour toujours. C'était faux, mais vrai, pour ce qui est du corps. La responsabilité est un mot, beau et vrai, qui tarde à s'inscrire dans la chair, ou que la chair oublie. La naissance lui fournit une occasion de s'incarner, ou du moins de s'incorporer, de prendre corps ou de faire corps, mais elle change le corps. Et au commencement, mon invité arriva en studio. Bonjour Vincent Delecroix. Bonjour. Vous avez couru. En effet. Et c'était comme une naissance dans ce studio, on me tenait informé. Il arrive, on le voit, ouais, il arrive. L'accouchement était difficile, hein, franchement. Un accouchement avec un métro bloqué, c'est ça? Oui. Sans péridurale. Bon, merci d'être avec nous ce matin, j'imagine que ça a fait mal. Alors, je vous raconte ce qui s'est passé en votre absence. Volontiers. On a commencé avec la naissance de Gargantua, qui naît par l'oreille et qui demande non pas du lait, rappelez-vous, mais du vin en grande quantité. Quand on finit par lui proposer du lait, il a tellement soif qu'il veut manger la vache entière, il va même jusqu'à manger la cuisse. Et j'ai lu, à titre de contre-exemple, les premières lignes de votre livre où vous racontez la rencontre avec vos enfants qui naissent. Et dans ce texte, on sent à l'inverse de la toute-puissance de Gargantua, une immense fragilité, une immense vulnérabilité qui, dites-vous, change immédiatement votre propre corps. Oui, c'est effectivement ce qui frappe, en tout cas pour mon expérience personnelle. Hein, j'ai pas assisté à la naissance de Gargantua, mais celle de mes enfants, c'était plutôt le sentiment de très banal, hein, de vulnérabilité, de fragilité, et même, j'allais dire, quasiment de non-viabilité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qui naît est absolument pas adapté non seulement au monde environnant, qu'il n'a aucune des fonctions adaptatives nécessaires pour survivre, mais même que, en fait, cette naissance est une lutte permanente contre la mort, le retour au repos, à l'inanité, au néant, et que en réalité c'est pas du tout, enfin en tout cas c'est le sentiment que ça me donnait, c'était pas du tout une espèce d'explosion de vitalité, de une naissance sublime, mais au contraire une espèce de débat, de lutte pied à pied pour arracher une respiration, pour tâcher de durer et de s'épanouir. Alors je vais vous laisser reprendre votre souffle. Je vous propose qu'on écoute un premier texte d'Anna Arendt qui parle de la natalité, parce qu'on y reviendra ensuite. La question de la naissance, encore plus celle du bébé, sont quasiment absentes de l'histoire de la philosophie. On parle beaucoup de la mort, mais la naissance, curieusement, on ne sait pas trop quoi en dire. L'histoire de la philosophie ne sait pas trop quoi en dire. Donc écoutons le texte et puis vous nous direz ensuite comment vous est venue l'idée de raconter le rapport à vos propres enfants et de proposer ce qui ressemble à une philosophie de la naissance. Laissez à elle-même... Les affaires humaines ne peuvent qu'obéir à la loi de la mortalité, la loi la plus sûre, la seule loi certaine d'une vie passée entre naissance et mort. C'est la faculté d'agir qui interfère avec cette loi parce qu'elle interrompt l'automatisme inexorable de la vie quotidienne, laquelle a déjà interrompu et troublé le processus de la vie biologique. La vie de l'homme se précipitant vers la mort entraînerait inévitablement à la ruine, à la destruction. Tout ce qui est humain n'est-elle la faculté d'interrompre ce cours et de commencer du neuf. Faculté qui est inhérente à l'action, comme pour rappeler constamment que les hommes, bien qu'ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover. Le miracle qui sauve le monde, le domaine des affaires humaines, de la ruine normale, naturelle, c'est finalement le fait de la natalité, dans lequel s'enracine ontologiquement la faculté d'agir. En d'autres termes, c'est la naissance d'hommes nouveaux, le fait qu'ils commencent à nouveau l'action dont ils sont capables par droit de naissance. Seule l'expérience totale de cette capacité peut octroyer aux affaires humaines la foi et l'espérance. Ces deux caractéristiques que l'Antiquité grecque a complètement méconnues. C'est cette espérance et cette foi dans le monde qui a trouvé sans doute leur expression la plus succincte, la plus glorieuse, dans la petite phrase des évangiles annonçant la bonne nouvelle. Un enfant nous est né. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette. Comment expliquez-vous, Vincent Delecroix, que les philosophes qui se sont intéressés à la vie et à la mort, c'est-à-dire 99% des philosophes depuis que la philosophie existe, aient si peu évoqué, réfléchi à ce qu'est la naissance, qui est pourtant l'événement avec lequel nous sommes tous venus au monde? Oui, alors il y a pour ça de... Alors c'est pas tout à fait vrai, j'exagère quand j'écris ça, parce que il y a une part de la philosophie qui s'intéresse pas tellement à la naissance, mais à l'enfance. Et elle s'y intéresse pas pour... Pareil, hein. Non, absolument, elle s'y intéresse pour des raisons très explicites, c'est l'éducation. C'est la nécessité d'éduquer le petit homme et d'en faire un citoyen libre, un homme heureux, etc. Donc on s'y intéresse quand même à l'enfance. À la naissance, c'est autre chose. Et effectivement, bon, j'écris que le nourrisson intéresse pas beaucoup les philosophes. C'est plus tout à fait vrai. À dire vrai, si on regarde toute la tendance de la philosophie autour du care, autour du soin qui s'est développé ces derniers temps avec des références à Winnicott notamment. Oui, si, la philosophie désormais peut-être a quelque chose à dire du nourrisson, du nouveau-né. Mais jusqu'à présent, il faut bien dire que c'était pas vraiment la chose qui intéressait le plus. Sinon, et ça rejoint un peu ce que dit Arendt qu'on a entendu là, mais Arendt le dit beaucoup mieux et beaucoup plus profondément. Sinon, en considérant la naissance comme un pur principe abstrait. Voilà, c'est... l'apparition de l'être, c'est voilà, il y a quelque chose plutôt que rien. Et puis une fois qu'on a dit ça, bah finalement, bah c'est tout, hein, c'est né. Et puis maintenant, on va s'intéresser à l'être, pas à ce qui naît. Le texte magnifique de Arendt qu'on a entendu est vraiment innovant, c'est le cas de le dire, de ce point de vue-là. Et d'abord, c'est l'extrait de Conditions de l'homme moderne. Ouais, et d'abord parce qu'elle discute implicitement avec Heidegger, son maître, enfin en tout cas au début, dont on sait que il fait de l'être pour la mort, j'allais dire la caractéristique essentielle de l'existence. Hein. Mmh. L'être pour la mort, c'est ça qui détermine le sérieux de l'existence. Et Arendt retourne complètement. Elle le dit d'ailleurs dans le texte ici. Non, l'homme n'est pas simplement destiné à mourir. Oui, il l'est incontestablement. Mais ce qui est essentiel, c'est la naissance, c'est le principe de la naissance, mais pas du tout abstrait. C'est-à-dire le principe du nouveau. Elle rappelle dans ce texte d'ailleurs que les anciens, les Grecs, qualifiaient les nouveau-nés de « oi neoi », hein, les nouveaux, simplement, on disait les nouveaux, c'est-à-dire le nouveau, le principe du nouveau. Et ce qui est déterminant dans le texte de Arendt, c'est que si c'est si important que ça, la naissance, c'est parce qu'il faut la rapporter au monde des affaires humaines, comme elle le dit, c'est-à-dire de l'action humaine. Pas simplement le monde, j'allais dire, biologique, le fait que, bah oui, il y a des êtres qui naissent et des êtres qui meurent, que la vie se perpétue, se relance, etc. Oui, c'est incontestable. Mais ce qui l'intéresse, elle, dans la naissance ou comme principe de naissance, c'est l'idée que c'est un principe d'action. S'il n'y avait pas naissance, s'il n'y avait pas nouveauté, eh bien le monde des affaires humaines se pétrifierait tout simplement. Il n'y aurait rien de nouveau. Il n'y aurait rien de nouveau sous le soleil. Et donc, à partir de... Et c'est ça, évidemment, la tâche de pensée d'Arendt ici comme ailleurs, c'est de penser le régime de l'action, et en particulier le régime de l'action politique, mais pas seulement, le régime de l'action humaine. Et à partir du moment où on focalise son regard sur ce régime de l'action humaine, des affaires humaines, alors oui, la naissance devient prégnante. Mmh. Et pas l'être pour la mort, justement. Si l'existence était uniquement être pour la mort, il n'y aurait pas d'action, en réalité. Contrairement à ce que dit Heidegger, d'ailleurs, le projet dont il parle et dont il fait la caractéristique essentielle de l'existence, en réalité provient de ce principe de naissance. Et un principe de naissance continue. Il y a plein d'autres choses importantes dans ce texte, y compris la dernière phrase, c'est-à-dire un enfant nous est né. Oui, la captation, comment le dire autrement, et la sacralisation, la captation de cet événement par une parole sacrée. Oui, un enfant nous est né, ça devient effectivement un principe maintenant religieux ou quasiment religieux. Oui, alors que chez Arendt, c'était pas tellement l'enjeu. Enfin, on peut pas accuser Arendt d'être une bigote religieuse. Ah non, c'est mais alors, justement, est-ce qu'on peut pas, quand bien même, et ce texte est absolument sublime, c'est un des plus beaux textes de non seulement d'Arendt, mais peut-être même de philosophie qu'on puisse lire, hein. Il est plus long, et donc j'invite quiconque à le lire. Donc, c'est donc dans Conditions de l'homme moderne, chapitre 4 ou chapitre 5, l'action. Est-ce qu'on peut pas quand même reprocher à Arendt d'en faire une métaphore à nouveau, finalement, chez elle. La naissance est une métaphore. Une fois de plus, on ne parle pas de la naissance, de l'accouchement, du bébé, ouais, le corps absolument. Du bébé. On le voit pas, on l'entend pas. Oui, sinon, pas dans ce texte-là. Bon, dans le livre, je fais référence à d'autres textes de Arendt, dans la crise de la culture, notamment. Et alors, il y est question de l'enfant, pas du nouveau-né. Et là, vous avez entièrement raison de le souligner, c'est le principe Mais c'est déjà beaucoup d'introduire ce principe dans la philosophie. Ouais. Ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà beaucoup. C'est le principe du nouveau, comprendre philosophiquement ce que c'est que le nouveau et sa nécessité. Mais il est absolument incontestable qu'elle ne parle pas du nouveau-né. Dans la crise de l'éducation, qui est un des textes discutables par ailleurs de la crise de la culture, là elle s'intéresse davantage à la croissance. C'est-à-dire l'immédiate croissance, pas simplement l'événement de la naissance, mais la nécessité de prolonger cette naissance par la croissance. C'est pour ça, c'est les réflexions sur l'éducation. Donc on y revient. Hein. Il y a une espèce de rail de la philosophie qui l'oblige à penser l'enfance comme ce qui doit être éduqué. Ça, c'est incontestable. Ouais. Mais ce qui peut être dommageable pour la compréhension de l'enfance. Mais ce qui l'intéresse, et elle dit des choses magnifiques d'ailleurs, discutables mais très très belles. Ce qui l'intéresse, c'est la croissance obscure qui suit cette naissance. Et elle dit, alors là pour le coup, c'est vraiment du biologique, c'est même quasiment du végétal, pour que la naissance se prolonge, pour qu'il y ait autre chose que l'événement pur de la naissance, avant il n'y avait rien, maintenant il y a quelqu'un, mais pour que cette naissance se prolonge, et ça c'est une idée à laquelle je suis très très attaché, le fait que la naissance n'est pas simplement un événement, ou c'est un événement qui dure. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous naissons perpétuellement? On ne cesse de naître, justement, et on oublie de le penser, ou on oublie de le voir, tout simplement, parce qu'encore une fois, nous sommes focalisés sur ce que nous devons devenir, ou ce que l'enfant doit devenir, les potentialités qu'il doit actualiser, les capacités qu'il doit acquérir, etc. Donc on est toujours en avant de lui, on est toujours en avant de ce devenir-là. Mais si on s'y fixe un tout petit peu, sans songer à ce qui va venir, ce qu'on voit, ce qu'on devrait voir peut-être, c'est ce processus de naissance continuelle et de croissance, de naissance qui se relance en permanence. Et peut-être que c'est ça aussi que essaie de trouver ou qu'effleure Arendt dans le texte auquel je fais allusion, c'est-à-dire il faut que la philosophie arrive à penser aussi cette croissance obscure, ce qui ne l'intéresse pas d'ordinaire, c'est-à-dire ce qui est dans l'obscurité. Et je pense que ici on approche davantage de saisie de l'enfance pour elle-même. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? À dire vrai, nous n'en avons plus, évidemment, plus aucun souvenir. Et nous le voyons en seconde ou en troisième personne, mais essayer de se replacer dans le flux de la vie. Au moment où elle se développe, au moment où elle apparaît et elle se développe, alors on voit une espèce de roulement continu, vraiment un roulement de tambour continu, qui est en fait la naissance elle-même. La naissance, elle s'arrête pas, hein, et encore une fois, à cet événement de la pure apparition. Mais ça veut dire, c'est ça, mais peut-être même la naissance elle-même n'est-elle pas une pure apparition, puisque déjà le bébé existe avant, dans le ventre, il est là, c'est juste qu'on ne le voit pas, il n'est pas au monde, dira Arendt, hein. Ouais. Mais même au-delà de ça, on peut dire que finalement, ce qu'on appelle naissance n'est que l'actualisation du nouveau. Comment est-ce que vous le diriez? Est-ce que le terme de naissance est approprié pour dire en fait ce que vous voulez dire? Dans le cas du premier texte de Arendt, oui, il est absolument approprié parce que ce qu'elle cherche, c'est un principe, encore une fois, guidant l'action, permettant une condition de l'action. Donc il faut, j'allais dire, fixer un seuil. Là, il y a du nouveau, et incontestablement, il y a du nouveau. Mais comme vous le faites remarquer, le nouveau, il a commencé avant. C'est ça. Et ce qui est frappant, c'est que de plus en plus, c'est un peu comme la mort d'ailleurs, mais de plus en plus, nous avons des difficultés à saisir où ça commence. Et c'est ça, moi, qui me frappe et qui est le plus intéressant. Oui, la naissance est un événement extraordinaire, bouleversant. Et j'en fais suffisamment de lyrisme complaisant. Mais ce qui est intéressant, c'est justement ce qui ne se réduit pas à cet événement grandiose, comme la naissance du langage, d'un seul coup, il n'y avait rien, et puis de nouveau, il y a quelque chose. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir que c'est un processus dont on a bien du mal à déterminer l'origine, justement. Et cette notion d'origine, elle nous obsède. Nous la parons souvent de toutes les vertus, mais peut-être qu'elle constitue un obstacle pour penser ce qui se passe à ce moment-là. Peut-être que à vouloir fixer une origine absolue, nous ne comprenons pas ce qui se passe, ou nous ne le voyons pas. C'est bien l'ambivalence du bébé, de l'existence même, de ce qu'on appelle un bébé. Et je vous propose, puisque vous le faites dans votre livre, Vincent Delecroix, et c'est tout l'intérêt de cette émission ce matin, dans cette semaine sur le bébé, vous parlez du bébé, de la rencontre avec le bébé, les bébés, puisque vous avez eu des jumeaux, donc en plus c'est deux rencontres simultanées. Voilà, ce qui se passe quand le bébé arrive, est-ce un début? Est-ce une rencontre qui avait déjà eu lieu, mais au sein de l'utérus de la mère? Vous dites, vous insistez sur le sentiment d'étrangeté. C'est d'abord un étranger, ce qui, dans le pire des cas, peut donner ça. There's a baby. It's at the hospital. Mom! And you're the father. That's impossible. It's only been... No, they're still not sure it is a baby. It's premature, but there's a baby. After the two of you are married, which should be very soon, you can pick the baby up. Difficile de laisser le son plus longtemps, Vincent Delacroix, parce qu'une fois qu'on a vu le film, c'est proche de l'insoutenable, cette expérience de voir ce de quoi la femme accouche. C'est un extrait du film de David Lynch qui s'appelle Eraserhead, 1977, et le bébé dont la femme accouche, un bébé prématuré, ressemble, disons, à un fœtus d'agneau complètement déformé, un tube un peu large. On parlait des tubes hier avec Amélie Nothomb. Hein. C'est comme un tube avec une tête d'agneau déformée, prématurée, qui fait des vagissements. C'est vraiment l'image la plus hideuse à laquelle on puisse penser quand on parle de l'étrangeté d'un enfant. Et quand on imagine, quand on ne sait pas ce qui va sortir du ventre et que ça pourrait être n'importe quoi. Voilà, le pire, c'est ça. C'est Eraserhead de Lynch. Le monstre. Ouais, le monstre. Le monstre. Et si on revient un tout petit peu encore au texte de Arendt du début, si on pousse très loin la nouveauté radicale, c'est le monstre. Hein. Ouais. C'est précisément ce qui sort de l'ordre, ce qui sort du cours ordinaire. Et la naissance, incontestablement, c'est ça. C'est là, pour le coup, une brisure. Et ce qui apparaît, c'est bien du nouveau aussi. Pour nous, en tous les cas, c'est bien du nouveau. Et donc, on est toujours proche du monstre, en tout cas de l'étrangeté. Et ce qui est absolument sûr, c'est par exemple, c'est une expérience inanticipable, c'est inimaginable en réalité. Oui, nous pouvons nous représenter, nous avons fréquenté des bébés, probablement, enfin en tout cas moi j'en avais fréquenté, de près ou de loin, mais ce qui vous arrive à ce moment-là, c'est une expérience absolument inanticipable et qui bouleverse encore une fois les coordonnées du corps, les coordonnées du monde. Et pourquoi ? Parce que c'est le nôtre ? Justement non, et c'est ça qui m'a frappé et sur lequel je reviens à l'occasion de ce chapitre, c'est que ce qui m'a frappé, ce qui continue à me frapper d'abord, et heureusement d'une certaine manière, c'est l'étrangeté justement, c'est le lointain. C'est non seulement ils paraissent venir de très très loin et ils paraissent en savoir très long sur quelque chose, et la tentation est irrésistible de leur demander mais qu'est-ce que t'as vu, d'où tu viens, dis-moi ce savoir que tu possèdes, parce qu'ils vous fixent avec des yeux complètement fixes, sans ciller, c'est quand même très perturbant. Et puis surtout, ce sont des créatures, encore une fois, inimaginables, incompréhensibles, qui viennent de très très loin, ce sont des étrangers. Et l'idée, en tout cas, le sentiment que j'avais, parce que ça se mêle à pardon d'être lyrique. Ça se mêle à un amour absolument inconditionnel, palpable, sensible. Alors là, vraiment, mais incontestable, en tout cas dans l'expérience que j'ai eue. Mais cet amour absolument inconditionnel, il n'a pas pour objet le proche, il a pour objet l'étranger, justement, le radicalement étranger. Donc c'est une expérience exactement inverse au sens commun, où on se dit, on aime d'autant mieux que l'objet est plus proche de nous, qui nous ressemble, qu'il est lié par le sang, par, la nation, par, la communauté, etc. Donc on aime plus ce qui nous ressemble davantage, on aime plus ce qui vient de nous, et on aime moins, par extension et par exténuation, on aime moins ce qui est le plus lointain. Et c'est exactement l'expérience inverse qu'on fait. Et ça m'a frappé d'une manière vraiment déroutante. C'est-à-dire que si c'est bien de l'amour qu'on ressent à ce moment-là, et je crois, je pense que c'était bien de l'amour, enfin ça l'est toujours, son objet, c'est le lointain. Son objet, c'est l'étranger. Mais comment ça ? Parce que sinon, vous ressentiriez ça avec des bébés qui ne sont pas du tout les vôtres. Alors bien sûr, c'est ça qui est étrange, parce que ça se lie en même temps, c'est ce que je dis au début, à un sentiment de responsabilité absolument exorbitant. C'est-à-dire que, c'est ça aussi qui explique que votre propre corps, celui du père, là, en l'occurrence, je ne peux parler que pour moi ici, se défait complètement, parce que tout l'accuse, sa puissance, sa disproportion par rapport à cette créature minuscule et quasiment pas viable, et ce qui vous tombe dessus, et ce qui défait littéralement le corps habituel, c'est cette écrasante responsabilité, parce qu'on a on a l'impression que toute la vie qui se trouve là vous est remise. Mais cette vie, c'est celle de l'étranger. Cette vie, c'est celle de quelque chose qui, pardon de le dire, on revient à l'extrait horrifique que vous avez donné, c'est ce qui ne ressemble à rien. Ouais. Ça ne ressemble à rien. Et alors évidemment, après, on s'empresse de reconnaître, il a les joues de son père, il a les yeux de sa mère, heureusement. Et puis on l'habille, parce que, et là, ça commence à ressembler à un bébé, ça commence à ressembler à quelque chose qui nous est relativement familier, mais au début, c'est vous absolument pas familier. On l'habille pour réduire l'étrangeté? En tout cas, c'est incontestable. Enfin, je sais pas si c'est pour ça, mais cette étrangeté s'atténue à partir du moment où, il est dans sa grenouillère, il bat des jambes, il a ses petites moufles, son bonnet, etc. Il commence à être hilarant, à ressembler à un clown, le monstre se résorbe, non pas dans l'habituel, non pas dans l'ordinaire, mais dans un rapport de familiarité qui est extrêmement difficile à conquérir et qui n'a rien à voir avec, l'indifférence, la froideur, l'absence d'amour, etc. C'est simplement que, au contraire, moi, ce qui m'a frappé, c'est la coïncidence entre cette étrangeté absolue et puis l'amour inconditionnel dont il est l'objet. Je saurais pas l'expliquer. Et en tout cas, je saurais pas dire autre chose. Vous dites dans votre livre qu'il y a deux écueils quand on pense les bébés. Le premier, c'est y voir la trace de notre passé. Le deuxième, y voir la promesse de ce qui sera. Là aussi, c'est très arendtien de regarder des deux côtés et de dire non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut accueillir le bébé. C'est ça qui est... Je ne sais pas si ça fausse complètement notre regard, ça le biaise. Je ne sais pas si ça nous induit en erreur, mais en tous les cas, le saisir, et c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, essayer de saisir l'enfance pour elle-même, ou le développement, le devenir plutôt que le développement, si c'est possible de substituer ce terme. Pourquoi ? Parce que le développement, ça implique qu'il y a une fin à suivre, alors que le devenir, on ne sait pas où ça va. Voilà, et là, je serais plutôt fidèle à ce qu'en dit Deleuze, par exemple. Mm-hmm. C'est-à-dire des lignes de devenir, plutôt qu'une histoire téléologique où l'enfant doit devenir ceci, cela, passer par telle étape, acquérir encore une fois telle compétence pour devenir un être humain achevé. Mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, moi j'en faisais l'épreuve quand j'écrivais ce livre, c'est qu'à la fois, certes, ma propre mémoire, ou ce qu'il en reste, mes souvenirs d'enfance, parasitent, évidemment. C'est un parasitage heureux, hein, par moment. Ce qu'il fait, voilà, qui me rappelle ce que je faisais. Ou alors peut-être que je comprends mieux ce qu'il est en train ou ce qu'elle est en train de faire ou de vivre parce que moi-même je l'ai vécu, etc. Donc c'est aussi un organe de compréhension herméneutique. Mais ça bouscule un peu et ça écrase un peu l'expérience présente qu'on voudrait voir. Et donc c'est comme si cette enfance était écrasée entre notre passé, voire un passé de l'humanité, l'enfance de l'humanité, et ce futur, cet horizon, à quoi ils sont destinés. Et j'aime pas trop justement cette idée d'être destiné à devenir ceci. Alors bien sûr, et là c'est plutôt Bergson qui est important ici, bien sûr on peut regarder ce développement de l'enfance comme, sans mélancolie excessive d'ailleurs, comme une espèce de, non pas de champ de ruines, mais comme l'abandon de virtualité. Là vous faites référence à la phrase de Bergson que vous citez, « La route que nous parcourons dans le temps est jonchée de débris de tout ce que nous commencions d'être, de tout ce que nous aurions pu devenir. » C'est magnifique. Dans l'évolution créatrice. Et c'est pas, il ne faut pas lui donner une tonalité mélancolique, encore une fois. Oui, nous abandonnons des possibles. Oui, l'enfance abandonne des possibles, et peut-être qu'il faut regarder ça comme un appauvrissement aussi, peut-être, mais une entrée dans l'existence concrète. Entrer dans l'existence concrète, ça signifie abandonner un certain nombre de possibles ou un certain nombre de virtualités. Peut-être que oui, le devenir enfant, le devenir de l'enfant, c'est ça. Mais c'est pas que ça. On est trop fixé justement sur le passage à l'acte, si je puis dire, c'est-à-dire le passage de la puissance à l'acte, le passage du virtuel à l'actuel. On a le regard fixé là-dessus et on est impatient qu'elle apprenne à faire du vélo, qu'il apprenne à nager, qu'il sorte de sa condition de quadrupède pour et puis qu'il parle enfin. Bon, ça serait quand même mieux. Je suis pas sûr que c'est. Enfin, si, c'est quand même... c'est autre chose, voilà. Mais on est tellement fixé sur ces oui, c'est ces acquisitions, je sais pas comment le dire, que bah on regarde pas justement ou pas suffisamment cette espèce de multiplication. Ces ramifications de la vie qui partent absolument dans tous les sens et qui effectivement dont certaines seront abandonnées, mais l'enfance c'est ça. L'enfance c'est pas simplement le rétrécissement vers un certain nombre d'actualités qui feront notre identité et qui nous feront adultes quand on sera plus nouveau justement. Oui, mais il y a quand même un déterminisme dans lequel le bébé naît. Il y a quand même beaucoup de choses et les choix ne se font pas de manière arbitraire au gré des rencontres et un enfant ne peut pas devenir absolument tout, les virtualités certaines s'actualisent, mais il y a oui c'est ça, l'enfance et le bébé ne sont pas des hors-lieux du monde, mais absolument plein pas de potentiel. Et le texte de que vous citez de Bergson ne nie absolument pas, au contraire ça commence par là, ne nie absolument pas le déterminisme social historique qui encadre le développement de ce nouveau. C'est pas l'infinité des possibles, parce que ce sur quoi j'insiste simplement c'est la plasticité. C'est-à-dire dans le cadre de cette détermination il y a une plasticité qui nous échappe beaucoup quand même. Vous parliez de Deleuze, pour Deleuze figurez-vous que le bébé et l'écrivain ont quelque chose en commun et ce quelque chose c'est le bégaiement. Il y a des devenirs animaux que l'homme enveloppe, il y a des devenirs enfants. Écrire, je crois, c'est toujours devenir quelque chose. On écrit parce que quelque chose de la vie passe en vous. Et on devient quelque chose. Écrire, c'est devenir. C'est bégayer dans la langue. Si l'on pousse pas le langage jusqu'à ce point où il bégaye, parce que c'est pas facile, il suffit pas de bégayer comme ça, si on va pas jusque-là, alors peut-être que dans la littérature, tout comme... à force de pousser le langage jusqu'à une limite, il y a un devenir animal du langage même et de l'écrivain. Il y a aussi un devenir enfant, mais ce n'est pas son enfance. Il devient enfant, oui, mais ce n'est pas son enfance. Ce n'est plus l'enfance de personne. C'est l'enfance du monde. C'est l'enfance d'un monde. C'est une autre tâche, devenir enfant par l'écriture. Arriver à une enfance du monde, restaurer une enfance du monde. Ça, c'est une tâche. Ça, c'est une tâche de la littérature. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons du bébé cette semaine aujourd'hui en compagnie du philosophe Vincent Delecroix qui publie aux éditions Payot Rivage Leur enfance. Et donc vous parliez de Deleuze juste avant Vincent Delecroix. Le voici, donc c'est un extrait de l'abécédaire, E comme enfance. Alors il n'y a pas B comme bébé, hein, mais il y a déjà enfance. Mais l'importance accordée au bégaiement magnifique, puisque justement l'écrivain serait sans doute celui qui lui aussi essaye de s'approprier en la désarticulant la langue, y compris en prenant le risque du bégaiement, est quelque chose de très beckettien d'ailleurs là-dedans. Et le bébé, d'ailleurs on l'entend, le bébé c'est aussi ça, c'est ce qu'on pourrait appeler ça un bégaiement, cette espèce de babil qui ne maîtrise pas encore le vocabulaire qu'est le nôtre. Oui, c'est bon, le discours de Deleuze ici est vraiment important. D'ailleurs, dans l'abécédaire, c'est assez amusant parce qu'il commence par dire, à propos d'enfance, bon, les gens qui racontent leur enfance, ça n'a strictement aucun intérêt. Alors, les écrivains qui racontent leur petite enfance, alors que c'est quelqu'un, Deleuze, qui a travaillé sur Proust, quand même, entre autres, qui racontent leur petite enfance, ça n'a absolument aucun intérêt. Et en fait, pendant les trois quarts de l'entretien, il parle de son enfance. Bon. Mais il en vient effectivement à cette idée selon laquelle la littérature, l'écriture plutôt, l'écriture littéraire est un devenir enfant parce que c'est une manière de parvenir au moment ou au seuil où la langue bégaye. Et ça me paraît absolument fondamental parce que évidemment on est focalisé sur l'étymologie de l'infant, celui qui ne parle pas, et de ce seuil, vraiment de ce saut sur lequel je reviens un peu dans le livre parce que il est pas si évident que ça, où on passe du mutisme ou plutôt du cri, du babil au langage articulé. Bon. Et évidemment, ça fascine les philosophes. Ça, c'est un truc génial parce que c'est l'humanité qui apprend à parler. Donc, c'est l'humanité qui apparaît. Bon, je pense que c'est nettement moins grandiose de ce point de vue-là, mais beaucoup plus intéressé que ce strict passage à la parole. Avant, encore une fois, il y avait du cri, et puis maintenant il y a de l'humain, parlant. Ce que veut dire Deleuze, ou peut-être ce qu'il indique ici, c'est que ce processus de passage à la parole, non pas d'acquisition du langage, et là je me réfère davantage à un texte d'Agamben dans En France et Histoire, non pas cette acquisition du langage, mais ce passage à la parole, et c'est tout autre chose, parce que d'une certaine manière, l'enfant, il a un langage avant de parler. Mm-hmm. Bien sûr, un langage animal, sans que ce terme soit péjoratif, et un langage particulièrement efficace. Hein, et on comprend quand il a faim ou quand il est pas content. Ça, c'est le langage n'est pas la parole. Ça le langage n'est pas la parole, et c'est un code destiné à une communication vitale. Ça marche très bien. Enfin, normalement, ça marche très bien. Et d'ailleurs, à telle enseigne qu'on se demande pourquoi il invente le langage ou pourquoi il vient plutôt à la parole, parce que c'est au départ c'est nettement moins efficace pour obtenir ce qu'il veut. Hein. C'est incontestable. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est le passage entre ce langage immédiat naturel du cri ou du babil et la parole elle-même. Or, ce passage, qui est vraiment le passage de l'enfance et qui fait de l'enfance un seuil de ce point de vue-là, ben il n'est pas réservé à l'enfant, justement. En fait, il se produit à chaque fois que nous prenons la parole. Nous venons du langage et nous prenons la parole. Et ce que décrit Deleuze ici, c'est probablement la manière dont la littérature pousse jusqu'au bout son regard vers ce moment-là. C'est-à-dire le moment où on bégaye, c'est-à-dire où la parole n'est pas un code naturel, où nous ne la possédons pas, tout simplement. Nous ne la possédons pas naturellement et de manière innée, mais il faut y venir. Et le langage vient à nous, incontestablement. Les enfants n'inventent pas les mots qu'ils profèrent. Papa, maman, c'est vraiment de la suggestion, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ils forment pas les mots par eux-mêmes, ça vient pas de leur propre fond, c'est le langage qui vient à eux. Mais ils doivent s'en emparer, le maîtriser et le manipuler plus ou moins, mais ils doivent venir à la parole. Et ce moment-là est absolument déterminant. C'est la raison pour laquelle il y a toujours de l'enfance en nous. C'est-à-dire ce moment-là, ce moment où nous passons d'un strict code linguistique à un événement de parole. Et cet événement de parole, il se reproduit, mais il est poussé à bout dans la littérature. Je pense que c'est ça qu'indique le propos de Deleuze qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire, c'est du bégaiement, justement. Et c'est ce qui nous attendrit, et puis après, ce qui nous fait rire beaucoup dans la difficulté à maîtriser la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire, etc. Mais ce tâtonnement dans la langue, cette expérience de... Je ne sais pas comment le dire autrement, la non-naturalité de la langue est absolument fondamentale et c'est ça qui est recueilli par la littérature. Alors, vous avez employé l'expression de langage animal pour qualifier peut-être la manière dont s'exprime un bébé avant de parler. Et c'est vrai que la tentation est grande de comparer le bébé à l'animal. D'ailleurs, beaucoup d'écrivains et de philosophes, les rares qui en ont parlé, l'ont fait. Je vous propose d'écouter un exemple de cette comparaison avec l'axolotle. C'est un texte de Giorgio Agamben. Alors, aidez-nous, Vincent Delecroix, présentez-nous rapidement qui est Agamben et qu'est-ce que l'axolotle ? Agamben, je ne sais pas s'il est nécessaire de le présenter, mais c'est un des philosophes contemporains les plus importants, à mon sens, italien, qui a, c'est pour ça qu'on y fait allusion, qui a notamment écrit un livre qui s'intitule « Enfance et histoire », et qui porte sur les phénomènes d'acquisition du langage, justement, entre autres, que je viens d'évoquer, mais le texte sur l'axolotl s'est tiré de Idées de la prose, un petit recueil de textes très beaux par ailleurs. Bon, Agamben a une écriture absolument magnifique, à mon sens, vraiment très très très très belle. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça fait référence justement à ce cet animal curieux qu'est l'axolotl. Au nom curieux aussi, on parlait du bégaiement, mais axolotl. Et oui, c'est assez difficile. Alors, il y en a dans le grand aquarium de Paris, il y a des axolotls. C'est des, comment le dire, ce sont des larves de salamandres. Autrement dit, des larves qui doivent devenir des salamandres, qui ne le deviennent jamais. Donc, mais qui sont viables. Autrement dit, c'est une espèce immature et viable. Donc, elle ne développe pas les caractéristiques. Agamben dit qu'elle ne développe pas le code génétique, tout simplement, son destin, pour lequel elle est formée, si je puis dire. Donc, elle ne deviendra, il ne deviendra jamais salamandre. Mais il est une espèce en soi. Il est l'espèce de la salamandre immature. Donc il ne développe jamais les organes de la respiration amphibie. Il ne devient jamais amphibie de ce point de vue-là. Et il reste, c'est ça qui m'intéressait et qui me frappait, comme un éternel enfant en réalité, littéralement. C'est-à-dire c'est un enfant qui ne deviendra jamais adulte. Alors, un bébé même, parce qu'on en est avant l'enfance, voire même un fœtus. Un fœtus, quasiment. Ouais. On revient au David Lynch. Mais on pourrait revenir aussi à l'hypothèse de Rousseau dans l'Émile, sur l'enfant robuste. Imaginons un enfant qui ne deviendrait jamais adulte, mais qui survivrait et qui ne se développerait pas. Et ben c'est ça, l'axolotl. C'est ça. Écoutez le texte lu par François Raison. Essayons d'imaginer un enfant qui ne se contenterait pas simplement, comme l'axolotl, de se fixer dans l'état larvaire et dans ses formes inaccomplies, mais qui serait pour ainsi dire tellement abandonné à sa propre enfance, si peu spécialisé et tellement tout-puissant qu'il se détournerait de tout destin spécifique et de tout milieu déterminé pour s'en tenir uniquement à sa propre immaturité et sa propre ignorance. L'enfant néoténique se trouverait dans la condition de pouvoir faire attention à ce qui n'est pas écrit, à des possibilités somatiques arbitraires et non codifiées. Dans son infantile toute-puissance, il serait saisi de stupeur et jeté hors de soi, non pas comme les autres êtres vivants, pour une aventure et un milieu spécifique, mais pour la première fois dans un monde. Il serait vraiment à l'écoute de l'être. Et sa voix étant encore libre de toute prescription génétique, n'ayant absolument rien à dire ni à exprimer, unique animal de son genre, il pourrait, comme Adam, nommer les choses dans sa langue. Dans le nom, l'homme est lié à l'enfance, ancré pour toujours à une ouverture qui transcende tout destin particulier et toute vocation génétique. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette. Alors je ne comprends pas, Vincent Delecroix, pourquoi dans ce texte, Giorgio Agamben semble idéaliser cet état larvaire. Parce que vous l'avez dit, ça fait penser à Lynch, à l'état monstrueux. Pourquoi est-ce que finalement il parle d'une toute puissance d'un enfant complètement abandonné à l'enfance? Ce qui est fascinant, c'est l'hypothèse d'abord, l'hypothèse de pensée, induite justement par le regard ou l'observation dont l'axolotl est l'objet. Par parenthèse d'ailleurs, il y a une nouvelle de Cortazar qui s'appelle l'axolotl, que je recommande, qui est absolument magnifique. Oui. Bon, Agamben n'y fait pas allusion, c'est dommage. Mais l'hypothèse elle-même est fascinante. Quand il parle de toute puissance ici, ça fait partie de l'hypothèse. C'est-à-dire, imaginons que cet état larvaire ne soit pas simplement un état de faiblesse, tout simplement. C'est-à-dire de non-viabilité. Imaginons que la larve soit simplement toute puissance, c'est-à-dire qu'elle puisse vivre de cet inaccomplissement. Et évidemment, ce qui est fascinant du coup, c'est que on plongerait alors, et c'est ce que décrit merveilleusement Agamben ici, on plongerait alors dans un rapport au monde ou une expérience ou un type d'expérience qui est absolument pas le nôtre, justement, ou plus précisément qui est peut-être en dessous du nôtre et que le nôtre, que notre expérience rétrécit. Ce à quoi il veut avoir accès, c'est précisément non pas à une espèce de pureté de l'origine, mais à un type d'expérience et même à un type de sujet, ou il faudrait dire un type de non-sujet de l'expérience, complètement dégagé, dépouillé justement de ce qu'on indiquait tout à l'heure, c'est-à-dire des contraintes du déterminisme, de la nécessité de s'accomplir, c'est-à-dire de passer à l'acte, de, que cette nécessité pour la puissance de devenir acte. La toute-puissance ici, et il faut la prendre vraiment au sens métaphysique du terme, c'est toute-puissance, c'est ce n'est que de la puissance, justement. Ça n'est pas de l'acte. Ça n'est pas de l'être en acte, justement. Et ce qu'il indique par cette hypothèse de pensée, c'est précisément que là, alors, on atteindrait ce qu'il y a de vraiment humain. Mais ça fait pas envie. Bah non, d'être axolotl. Encore une fois, la nouvelle de Cortázar, elle se termine d'une manière spectaculaire, puisque le spectateur qui regarde de l'autre côté de la vitre de l'aquarium et qui est complètement fasciné par cette créature, à la fin de la nouvelle, il s'aperçoit que c'est lui, ou plus précisément, il bascule de l'autre côté de la vitre et il se voit s'éloigner de la vitre. Il est devenu axolotl. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant dans le texte d'Agamben, c'est aussi son abstraction, mais pas au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire que ici, nous touchons à une expérience pure, ou nous toucherions à une expérience pure qui nous est, la plupart du temps, masquée par l'histoire même de cette expérience. C'est vrai, mais c'est l'anti-Arendt en un sens, parce que pour Arendt, n'est humain que celui qui agit, et c'est pour ça qu'elle pense la natalité comme le commencement absolu d'une action qui ressemble au miracle, dit-elle, et bien l'irruption de la nouveauté. Là, on a quelque chose au contraire d'une permanence définitive, d'un état larvaire qui certes nous amène au plus proche de l'être, il serait vraiment à l'écoute de l'être, dit-il, mais qui ne semble plus du tout humain. Oui, mais il y a deux choses qui sont absolument importantes et qui contredisent ça, c'est-à-dire d'abord, bon, on va pas y revenir, mais Agamben y fait allusion à la fin. C'est le passage à la parole, c'est le nom. C'est-à-dire que cette expérience, c'est l'expérience du langage, en réalité. Et c'est le cœur de l'expérience du langage. Nommer, comme Adam, nomme les choses. Mais, donc ça, c'est d'abord absolument important. Et puis, comme vous le constatez à l'écoute de ce texte, ce qui est essentiel pour Agamben ici, c'est de montrer l'absence de destin. Voilà. C'est que cette expérience pure, elle est pure ici au sens où ce n'est pas ou ce n'est plus le code génétique, si ainsi on peut dire, qui décide du devenir ici. Et c'est pour ça que c'est pur. Bien sûr que ça n'est jamais ça en réalité. Bien sûr que, encore une fois, nous sommes déterminés. Mais nous pouvons penser l'humain, justement, comme ce qui est capable non pas seulement de transcender le code génétique, non pas simplement de transcender le déterminisme biologique ou social, mais de le faire défaillir. Et en fait, c'est ça le caractère ambivalent de l'axolotl, c'est qu'à la fois, bah, c'est un être immature, raté, en quelque sorte, mais que cet être raté, précisément ce ratage ou cette défaillance, est ce qui, pour l'humain, bah, détermine sa condition d'homme, justement. C'est ça, l'humain, justement. C'est quelqu'un qui ne remplit pas le code génétique, et pas jusqu'au bout, et qui ne remplit pas son destin, justement. Et dans le même texte d'Agamben, il évoque l'hypothèse selon laquelle, j'allais dire, zoologiquement, l'espèce humaine, c'est ça, en réalité. C'est-à-dire, c'est un chimpanzé ou un primate, pas un chimpanzé, un primate qui aurait dû devenir un singe, mais qui s'est arrêté en chemin. Et au lieu de devenir le singe parfaitement adapté à son milieu, avec toutes les fonctions nécessaires à cette adaptation, et donc de s'arrêter là, eh ben il s'arrête avant. Donc nous sommes inadaptés. Totalement inadaptés. Et bon, ça évoque lointainement le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, hein. C'est-à-dire la condition humaine, c'est la condition de démuni. C'est la condition vraiment de l'être qui n'a pas naturellement les fonctions nécessaires pour s'adapter. Du bébé, donc. Du bébé. Voilà. Le bébé est celui qui ne peut pas, s'il n'a pas d'aide extérieure, ne peut pas survivre, tout simplement. Encore un point, il nous reste très peu de temps, mais votre livre est très riche, Vincent Delecroix. Je voudrais insister là-dessus pour terminer. Il y a une erreur qu'on commet souvent, c'est de croire qu'il existe ce qu'on peut appeler un monde de l'enfance, un monde du bébé, comme un monde dans notre monde. C'est vraiment, vous insistez sur l'étrangeté, là, une altérité radicale entre ce monde de l'enfance duquel nous sommes sortis, pour certains d'entre nous, d'entre vous, je sais pas, et le nôtre au fond. Mais c'est absurde, dites-vous, c'est une erreur de penser qu'il y a un monde de l'enfance. Oui, ça me paraît être une erreur, et ça me paraît encore une fois biaiser la manière dont nous rapportons à l'enfance. Il y a une manière d'organiser, il y a une manière infantile d'organiser le monde, infantile, pas au sens péjoratif, enfantine, voilà. Mmh. Une manière enfantine d'organiser le monde, mais ça n'a rien à voir avec l'idée qu'il se construirait un monde et qu'il y aurait un monde autonome de l'enfance. Alors bon, je passe par un certain nombre de caractéristiques, l'enchantement, la magie, le rêve, l'imagination, le jeu, etc. Bon, il se trouve que, en réalité, l'exercice de ces facultés, enfin, je l'espère, elles sont encore là dans la vie adulte. C'est-à-dire que l'imagination ne joue pas moins de rôle dans la vie adulte qu'elle ne joue peut-être qu'on s'émerveille moins. Dans l'enfance, naturellement, on s'émerveille moins et elle produit peut-être des choses moins fécondes ou moins nouvelles, justement. Mais je pense qu'il faut insister, et ça, enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire, insister surtout sur cette possibilité d'organiser autrement le monde. Voilà, ça, il y a des spécificités de l'enfance, de ce point de vue-là. Mais c'est aussi ce qui signifie que nous restons enfants, ou qu'il y a de l'enfance en nous. C'est-à-dire que nous sommes aussi susceptibles d'organiser le monde comme le fait l'enfant, de vivre l'expérience comme l'enfant la vit. Nous en sommes encore capables, et ça nous arrive sans arrêt. Par exemple. Probablement même sans le savoir. Je parle pas simplement des conduites magiques, mais bon, Dieu sait si nous en avons, et donc pas simplement d'une certaine crédulité. Par exemple, qu'on impute aux enfants, à tort d'ailleurs, parce qu'ils sont beaucoup plus malins et beaucoup plus rusés à l'égard de leurs propres croyances, me semble-t-il, mais par exemple, une manière de faire l'expérience brutale du monde, par exemple, ou de la douleur, par exemple. Il y a des douleurs, il y a des tristesses qui nous font enfants, incontestablement, et pas simplement qui nous plongent en enfance, mais qui sont des expériences d'enfants. C'est ça, important. Donc nous restons ponctuellement, mais continuellement enfants. Et donc c'est à lire dans votre livre qui s'appelle Leur enfance, publié chez Payot en bibliothèque Rivage. Et ce que vous dites à la fin peut renvoyer à votre précédent ouvrage, Consolation philosophique, hein, qu'on trouve dans la même collection chez le même éditeur. Il y a aussi Apprendre à perdre. On mettra votre bibliographie en ligne sur le site des Chemins de la philosophie. Merci beaucoup d'être venu nous parler du bébé et de l'enfance ce matin. On se quitte avec Claire, qui est une chanson de Gilbert O'Sullivan, qui va dans le sens de l'étrangeté, puisque c'est une chanson pour un bébé qui n'est pas le sien. As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh Claire, Claire, Claire, if ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. Et sur la musique de Gilbert O'Sullivan, il est temps d'accueillir Frédéric Worms pour sa chronique quotidienne, Le pourquoi du comment. «